I'll show you some objects, then please do what I ask. Mais c'est rendu disque ou d'or un trau, à courir en pèse fanti. Mais c'est rendu disque ou d'or un trau, à courir en pèse fanti. Please take this. Timère. Timère. Please give me the glasses. Ready un lunet doux. Ready un lunet doux. Please put the pencil on the envelope. Lac or grain war o golo lizard. Lac or grain war o golo lizard. Please turn the glass over and pick up the scissors. Change-tu or veren anti-merde or gijul. Change-tu or veren anti-merde or gijul.